بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا في القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى سائلين الله عز وجل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعض توقفنا عند القاعدة الرابعة وقلنا أن هذه القاعدة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى الصفات الثبوتية وقال فيها صفات مدح وكمال أنها صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر ما هو أكثر وذكر المصنف كذلك ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم ثم ذكر أن الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية الأولى بيان عموم كماله وثانيا نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون وثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وقال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب Donc on va continuer, Inch'Allah, sans plus attendre. Donc hier, on avait débuté l'étude d'une nouvelle règle concernant les attributs. Concernant les attributs, et l'auteur, dans cette nouvelle règle qui était la quatrième règle, il nous a enseigné que les attributs affirmés, as-sifat as-thubutiyya, qu'on appelle affirmés, sont des attributs d'éloge, de louange et de perfection. De sorte qu'on avait dit que ces attributs sont nombreux et leur signification varie. C'est-à-dire les attributs qu'on appelle des attributs d'affirmation, ces attributs-là, ils varient et sont nombreux. Et plus la perfection de celui qui en est qualifié apparaît de plus en plus grande. C'est-à-dire que plus ces attributs sont nombreux et plus ils sont nombreux, alors leur signification varie, et plus la perfection de celui qui est le qualifié apparaît de plus en plus grande. C'est pourquoi les attributs affirmés, on avait appris, sont bien plus nombreux que les attributs de négation, comme on l'a appris dans la dernière assise à travers cette règle. Donc c'est ça l'enseignement que nous enseigne l'auteur dans la quatrième règle. Tandis que, concernant les attributs de négation, on peut appeler aussi les attributs négatifs, ils ne sont mentionnés que dans des circonstances bien précises. Il dit entre autres les circonstances, par exemple, premièrement, pour montrer l'universalité, c'est-à-dire al-umum de sa perfection, pour montrer la généralité. Ici, c'est traduit par l'universalité, dans le sens de al-umum, la généralité. Donc ici, premièrement, en ce qui concerne, puisque dans la dernière assise, on a parlé de première partie de la règle concernant les attributs de perfection. Pardon, les attributs d'affirmation. Que ces attributs d'affirmation sont tous des attributs d'éloge, ou dit à louange d'Allah Azza wa Jal, et de perfection. Ces attributs d'affirmation, on a dit, pardon, d'affirmation, sont plus nombreux que les attributs de négation. Les attributs de négation, eux, ils sont mentionnés dans des circonstances bien précises. dans des circonstances bien précises. Premièrement, ils sont mentionnés pour montrer une généralité et de sa perfection, comme c'est le cas dans le verset Laïsa Kamithlihi Shay. Laïsa Kamithlihi Shay dans le verset et rien n'est similaire à lui ou semblable à lui, c'est-à-dire à Allah, au Créateur Subhanahu wa Ta'ala. Ou lorsqu'Allah dit Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Personne ne peut lui être égal. Personne n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première circonstance. La deuxième est dit pour nier les propos des calomniateurs à son sujet. Pour nier les propos des calomniateurs à son sujet. C'est-à-dire que l'auteur ici nous enseigne à quel moment les attributs négatifs sont mentionnés. Puisqu'on a dit qu'en ce qui concerne les attributs affirmés, ces attributs-là sont bien nombreux. Et ils varient. Et ils sont nombreux. Et plus ils varient et plus ils sont nombreux, plus la perfection du qualifié apparaît. Comme on l'a appris dans la dernière assise. En ce qui concerne les attributs de négation, ceux-là ils sont mentionnés, si vous observez le Coran, dans le noble Coran, c'est ça l'observation de grands éminents savants qui ont observé le Coran et on déduit que les attributs de négation sont mentionnés dans certaines circonstances. Dans certaines circonstances. C'est pour ça qu'il cite la première circonstance, par exemple, pour faire montrer une généralité, dans la généralité de sa perfection. C'est le cas, par exemple, « Laïsa kamithlihi shay », « Rien n'est semblable à lui ». Ici, il y a une généralité qui montre la perfection du Créateur subhanahu wa ta'ala, puisque rien n'est similaire à lui. Dans un verset, qu'a cité l'auteur, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et rien ne peut être égal à lui. Et donc, d'une manière générale, ça montre la perfection du Créateur. Et d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que rien n'est similaire ou semblable ou peut être égal à lui, subhanahu wa ta'ala. Deuxième circonstance, vous pouvez remarquer dans le Coran, où sont mentionnés par exemple des attributs négatifs, par exemple, pour nier les propos de calomniateurs à son sujet, c'est-à-dire au sujet du Créateur, au sujet d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme lorsqu'Allah Azza wa Jal dit An da'u lirrahmani waladan, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Lorsqu'Allah dit, et ils attribuèrent à Allah un enfant, il ne convient pas à l'infini miséricordieux de s'attribuer un enfant. Donc ici, par exemple, à nier en cette circonstance le fait qu'il ait un enfant, le Créateur subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, en observant le noble Coran, on peut voir que parfois les attributs négatifs sont mentionnés pour écarter toute présomption d'imperfection relative à ce cas particulier, pour écarter toute présomption d'imperfection relative à ce cas particulier, dans le sens de daf'u tawahhumi naqsin min kamalihi fi ma yata'allaqu bihadha al-amr al-mu'ayyan bihadha al-amr al-mu'ayyan, comme dans le verset, par exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Allah dit, nous avons point créé les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre eux, par simple amusement. Par simple amusement. Donc, cette troisième circonstance que mentionne l'auteur, si vous observez le Coran, le noble Coran, vous pouvez voir que, en cette circonstance, parfois, est mentionné les attributs qu'on nomme négatif, selbi. Sifat al-selbiya. Sifat al-selbiya. Dans quel contexte, ce troisième-là, c'est daf'u tawahhumi naqsin min kamali fima yata'allaqu bihadha al-amr al-mu'ayyan. C'est pour pousser toute forme d'illusion d'imperfection. En d'autres termes, plus simple, pour repousser toute forme d'illusion d'imperfection. D'imperfection. Ici, c'est traduit pour écarter toute présomption d'imperfection relative à ce cas particulier. Par exemple, Allah Azzajal dit, nous mentionne qu'il n'a pas créé les cieux. Et la terre, est-ce qu'il est entre eux? Par simple amusement. Par simple amusement. Donc là, on écarte toute présomption d'imperfection. Pourquoi? Parce que créer avec amusement, c'est une imperfection. Ça ne fait pas partie de la perfection du Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc là, on nie le fait que Allah Azza wa Jal ait créé les cieux et la terre et ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux par simple amusement. Et dans un autre verset qu'a cité l'auteur pour mentionner bien cela aussi, où Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ. Et Allah nous dit, et nous avons créé les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre eux en 6 jours sans être pris par la fatigue. Sans être pris par la fatigue. Donc là, on a un autre attribut de négation. Allah Azza wa Jal nie le fait qu'il ait créé les cieux et la terre et ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux et qu'ensuite il ait été pris de fatigue. Donc l'attribut de négation ici, négatif, c'est le fait que Allah Azza wa Jal ait pu être touché de fatigue après la création des cieux et de la terre. Donc, on voit qu'en de telles circonstances, on écarte toute présomption d'imperfection. Pourquoi? Parce que créer les cieux et la terre et ce qu'ils contiennent, par amusement par exemple, comme c'est cité dans le premier verset, ou bien après avoir créé les cieux et la terre et ce qu'ils contiennent, avoir été touché par la fatigue, c'est l'imperfection. Cela, on ne peut en aucun cas l'attribuer au Créateur. Donc le Créateur a nié cela, pour lui. Donc vous comprenez, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, et nous n'avons pas créé les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre eux, par simple amusement, Allah nie qu'il ait créé les cieux et la terre par amusement. Donc c'est ça qu'on appelle attribut nié, de négation. Attribut de négation. Ou bien, Allah Azza wa Jal, après qu'il nous ait informé qu'il a créé les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre eux en 6 jours, et dit, il n'a pas été pris de fatigue. Allah Azza wa Jal n'a pas été touché par la fatigue, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il est le parfait, subhanahu wa ta'ala, le détenteur des attributs de perfection. C'est ça que l'auteur essaye de nous enseigner à travers cette règle. Donc, en ce qui concerne, pour résumer, c'est ce qu'on a appris. On a appris en résumé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé des attributs pour lui-même. Lorsque on lit le noble Coran, dans de nombreux versets, on voit qu'Allah Azza wa Jal nous informe à son sujet. Et donc, on voit l'évocation d'attributs. Tous ces attributs sont des attributs, on a dit, de perfection. Et lorsqu'on médite le noble Coran ou la Sunna authentique du prophète, on déduit qu'il y a donc des attributs affirmés, d'affirmation, et des attributs de négation, des attributs niés. Comme par exemple, Allah, subhanahu wa ta'ala, nie pour lui-même le fait qu'il fut pris de fatigue après la création des cieux et de la terre. Ni le fait, par exemple, qu'il ait créé cet univers, les cieux et la terre et ce qu'ils contiennent, pour simple amusement. Allah nie le fait qu'il puisse mourir, car il est l'éternel, celui qui détient la vie parfaite, éternelle. Et la vie d'Allah Azza wa Jal n'a pas été précédée par le néant. Et donc sa vie est éternelle, sans commencement et sans fin, sans début et sans fin. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, de ce fait, il y a, on voit dans le Coran, lorsqu'on observe, des attributs qu'on appelle salbi. Ces attributs, à la fin, l'auteur nous enseigne. Dans cette règle-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les attributs affirmés sont plus nombreux. Et ils varient. Pourquoi? Parce que plus ils sont nombreux, plus la perfection du qualifié apparaît. Et tandis qu'il nous enseigne que les attributs de négation, eux, sont moins nombreux et leur évocation est liée à des circonstances. Il dit, c'est pour cela qu'il nous enseignait, premièrement, lorsque c'est pour montrer la généralité de sa perfection, comme l'a cité avec les preuves. Ensuite, il dit deuxièmement, pour nier les propos de calomniateurs à son sujet, par exemple. Ou bien, on peut voir dans certaines circonstances, pour écarter toute présomption d'imperfection relative à ce cas particulier. Donc ça, c'était l'étude de la quatrième règle. Ensuite, l'auteur mentionne al-qa'idat al-khamisa. قال المصنف رحمه الله تعالى والقاعدة الخامسة. Donc là, on va commencer maintenant une nouvelle règle, la cinquième règle. Bien sûr, on avait bien dit que là, ce sont des règles relatives aux attributs. Aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية ذاتية وفعلية. قال فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزل متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة منها ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. Dans cette cinquième règle, maintenant, on va apprendre un enseignement très important. Cette cinquième règle sera liée aux attributs d'affirmation. Donc, dans ce qu'on a appris précédemment, on a appris qu'il y a, après observation du Coran, du noble Coran, on peut constater qu'il y a des attributs d'Allah Azzawajal qui sont affirmés ou niés, d'affirmation et de négation. Là, cette règle-là sera liée, se rapporte aux attributs d'affirmation maintenant. C'est une précision concernant les attributs d'affirmation. L'auteur nous dit que les attributs maintenant d'affirmation se divisent en deux catégories. Les attributs d'affirmation se divisent en deux catégories. Donc comprenez bien, là on est dans la subdivision liée aux attributs d'information. Ou les attributs, d'affirmation. Ou les attributs affirmés. Les attributs affirmés. Il dit ces attributs affirmés-là, d'affirmation, se divisent en deux catégories. En deux catégories. Des attributs liés à l'entité, l'essence même du Créateur, liés à l'entité, et des attributs qu'on appelle des attributs d'action. Les attributs d'action. Donc, première catégorie, les attributs qu'on appelle, rester sur le terme en arabe, sifat dhatiya. Sifat dhatiya. Et ça, c'est important d'avoir ces notions-là pour ensuite pouvoir évoluer dans la lecture de certains livres. Pourquoi ? Parce que pour comprendre certains livres, ensuite, il faut que ces règles-là soient assimilées par le lecteur, par l'étudiant. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, dans l'étude de certains livres, pour bien les comprendre, ces règles-là, en fait, elles doivent être comprises préalablement par le lecteur. Pourquoi ? Parce que vous allez lire certains livres qui sont liés au dogme ou au credo du croyant et de la croyante, des musulmans. Et ces notions-là, en fait, pour bien comprendre ces livres, elles doivent être bien comprises pour aider à la bonne compréhension, justement. Et donc, ces attributs, restez sur le terme en arabe, parce que vous retrouvez ça dans de nombreux livres, « as-sifat dhatiyya », souvent traduites par les attributs d'entité. Ou bien vous retrouvez, sont traduites par les attributs propres à l'être d'Allah. C'est dans le sens les attributs propres à l'être d'Allah. Tandis que la deuxième catégorie, sifat al-fi'aliyya. Sifat al-fi'aliyya, ça c'est des attributs liés aux actes du Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des attributs liés aux actes. On pourrait traduire aussi, de manière relative, les attributs d'action. Les attributs d'action. Voilà, il dit. L'auteur nous dit les attributs. Sifat dhatiya, maintenant il va nous les expliquer. C'est quoi la différence entre les deux ? Il dit les attributs propres à l'être d'Allah, sifat dhatiya, sont et seront à jamais ses qualités. Ces attributs-là qu'on appelle des attributs liés à l'entité, liés à l'être d'Allah, des attributs qui sont propres à l'être d'Allah, c'est des attributs qui sont et seront à jamais ses qualités. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal a toujours été qualifié par cela et sera toujours qualifié par cela. Par cela. Subhanahu wa ta'ala, comme il dit, Lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Subhanahu wa ta'ala. Allah a toujours et sera toujours qualifié par cela, par ces attributs-là. Par ces attributs-là. Et ça, concentrez-vous bien sur cette explication-là, pour bien comprendre la différence entre les attributs liés à l'être propre, liés à l'être d'Allah, Azzawajal, des attributs d'entité et les attributs d'action. L'auteur nous dit, à titre d'exemple, comme al-ilm, comme l'attribut de la science, al-qudra, de la puissance, de la capacité, de l'audience, de la clairvoyance, de al-izza, de la puissance, de la sagesse, de l'ulou, de l'élévation, de la ravama, de la grandeur, wa minha. Ça, c'est des traductions approximatives et relatives. Tous ces attributs-là qu'on vient de citer, ce sont des attributs, premièrement, qui sont thubuti, thubutiya, le sifat thubutiya, des attributs affirmés, d'affirmation, et comme on dit que les attributs d'affirmation se divisent en deux catégories, sifat dhatiya ou sifat al-fa'liya. Et ces attributs qu'on vient de citer, comme al-ilm, comme al-qudra, wa-sam'a, wa-l-basar, wa-l-izza, wa-l-hikma, ces attributs-là, par exemple, wa-l-ulu, wa-l-hazama, ce sont des attributs liés à l'entité, des attributs propres à l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah a toujours et sera toujours qualifié par cela. Allah a toujours été qualifié par al-ilm. Il a toujours été l'omniscient. Subhanahu wa ta'ala. Et il le sera toujours. Jalla Jalalu. Comme par exemple, Allah a toujours été élevé. Allah a toujours été le plus grand. Subhanahu wa ta'ala. Et il le sera toujours. C'est ça qu'on appelle des attributs liés à l'être. As-sifat dhatiya. As-sifat dhatiya, comme on va le voir. Dans les sifat dhatiya, wa minha, il y a as-sifat al-khabariya. Il y a des attributs qu'on appelle des attributs liés à l'information. Des attributs d'information. Et on a parlé dans les règles précédentes, dans une règle précédente, concernant les attributs as-sifat al-khabariya. As-sifat al-khabariya. Lorsqu'on a parlé de sifat al-ma'nawiya ou as-sifat al-khabariya, vous en rappelez? Lorsqu'on a parlé des attributs liés au sens et des attributs liés à l'information, que si on n'avait pas l'information, on n'aurait pas pu déduire et attribuer cela à Allah Azza wa Jal. Comme certains attributs d'information, comme sifat al-yadayn, par exemple, sifat al-wajh, sifat al-aynayn, comme l'attribut du visage, l'attribut des deux mains, l'attribut des yeux, par exemple, ça c'est des attributs d'information. Allah s'est affirmé cela pour lui-même, subhanahu wa ta'ala, si on n'avait pas l'information, le texte, on n'aurait pas pu le déduire, concevoir cela et attribuer cela à Allah Azza wa Jal. Ça, on avait expliqué, ce sont des attributs d'information, mais on reviendra plus en détail dans ce qui viendra, Inch'Allah. Tandis que, déjà pour bien comprendre, un sifat al-fa'liya, ça c'est des attributs d'action. Donc la différence, on a dit que, première catégorie, les attributs liés à l'entité, à l'être d'Allah Azza wa Jal, c'est des attributs que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été qualifié, sera toujours qualifié. Tandis que les attributs d'action, les attributs d'action sont liés à la volonté du Créateur. Quand il veut, Allah Azza wa Jal fait tel acte. Quand il le veut. Subhanahu wa ta'ala. In sha'a fa'alaha wa in sha'a lam yaf'alha. Donc quand Allah Azza wa Jal le veut, il le fait. Et quand Allah Jalla wa ala in sha'a, s'il le veut, il ne le fait pas. Donc, vous avez vu, c'est lié à sa volonté. C'est lié à sa volonté. Comme par exemple, le fait de descendre au premier ciel, au dernier tiers de la nuit, sifat al-nuzul, la tribu de la descente. Allah, quand il le veut, il le fait, subhanahu wa ta'ala. Sifat al-istiwa, la tribu de l'élévation d'Allah azzawajal au-dessus de son trône. Quand Allah azzawajal a voulu, et il veut, il le fait. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est lié à quoi ? À sa volonté. C'est comme ça, d'une manière générale, qu'on comprend les attributs liés à la volonté, c'est-à-dire les attributs d'action. Tandis que les attributs qu'on appelle sifat dhatiya, les attributs propres à l'être d'Allah Azza wa Jal, liés à l'entité, ce sont des attributs Allah a toujours été qualifié et sera toujours qualifié par ces attributs-là. Vous voyez déjà la différence. Maintenant, on va mieux comprendre dans l'explication. Donc là, je vous ai fait juste un bref ou une brève explication, une différence entre sifat dhatiya ou sifat al-fi'liya. Vous allez vous poser une question légitime. Personne pourrait dire ayna ad-dalilu ala hadha at-taqsim. Peut vous poser une question légitime que l'auteur dans l'explication va soulever. Où est la preuve de cette subdivision? Où est la preuve qu'il y a des sifat dhatiya ou sifat al-fi'liya? Où est la preuve que Allah Azza wa Jal a des attributs liés, propres à son être, et des attributs qu'on appelle des attributs d'action? Mad dalil, une personne, de manière légitime, peut se poser la question, quelle est la preuve prouvant cela? وَلِمَدَا لَمْ نُعْرَضْ عَنْ هَذِهِ التَّقْسِيمَاتِ وَنَقُلْ لَا حَاجَتَا فَإِذَا وَصَفَ اللَّهُ نَفْسَهُ بِصِفَةٍ وَصَفْنَاهُ بِهَا وَلَا نَقُلْ ذَاتِيَا وَلَا فِعْلِيَا. Et là, c'est une très belle question que soulève l'auteur. Il dit, et pourquoi on s'expose ou pourquoi on ne s'écarte pas de telle subdivision? Pourquoi on ne dirait pas juste ce qu'Allah Jalla wa Ala s'est attribué pour lui-même comme attribut? Nous l'affirmons et lui attribuons. Est-ce qu'Allah s'est nié pour lui-même? On le nie. On le nie. Pourquoi on reste, pardon, pourquoi on reste pas sur cette généralité? Pourquoi on détaille comme ça en disant qu'il y a des attributs d'entité et des attributs d'action? Vous avez vu, la question est très pertinente. Parce qu'il dit, on pourrait dire qu'on n'a pas besoin de revenir à cette sorte de subdivision. فَإِذَا وَصَفَ اللَّهُ نَفْسَهُ بِصِفَةٍ. Allah Azza wa Jal, si il s'attribue des attributs, on les affirme, on les confirme et lui attribue. Est-ce qu'il a nié pour lui-même? On nie. وَلَا نَقُلْ ذَاتِيَا وَلَا فِعْلِيَا. Et on n'a pas besoin de dire ذَاتِيَا وَلَا فِعْلِيَا. Al-Jawab, la réponse. أَنَّ هَذَا هُوَ الْأَسَدُ وَهُوَ الْأَوْلَى. La réponse, c'est que l'auteur, Cheikh, il nous dit, ce qu'on vient de mentionner là, c'est ce qui est le meilleur. Ça serait le meilleur. Et c'est la meilleure des manières pour fermer toutes les voies aux dérives. Et tous les chemins menant à la dérive concernant les convictions et la croyance qu'on a envers notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, la meilleure des manières, c'est vrai que le mieux, c'est de se passer de ce genre de subdivision. Ça serait le mieux. Lakin, sauf que, maintenant il faut revenir au contexte, il faut revenir à la réalité du monde musulman. C'est pour ça que l'auteur va nous expliquer pourquoi les grands savants de l'islam en sont venus à expliquer et subdiviser de cette manière. Lamma waqa al-khilafu min ahli al-kalam bayna ma yuthbituna min as-sifat wa ma la yuthbituna wa qalu inna Allah sami' alim qadir lakin la yaf'al ولا يستوي على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يأتي للفصل بين العباد. احتاج أهل السنة المتبعون للسلف أن يقسموا هذا التقسيم من أجل تحقيق المناط وما يريد فيه الخلاف وما لا يريد، وأن يبينوا أن كلا النوعين ثابت لله عز وجل. En fait, à l'époque, lorsqu'a émergé, est apparu dans le monde musulman ce qu'on appelle Ahlul Kalam, les partisans de la théologie dialectique, c'est-à-dire Ilm al-Kalam, ceux qui ensuite, plus tard, ont émergé dans le monde musulman, des sortes de spéculateurs, des spéculateurs qui ont spéculé concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, ont commencé à rapporter ce qu'ils ont nommé ensuite Ilm al-Kalam, qui était ensuite appelé la théologie dialectique. C'est-à-dire, c'était le fait de Al-Kalam, de spéculer sur les attributs du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Par exemple, entre des attributs qu'ils ont accepté d'affirmer et des attributs dont ils ont dit on ne peut pas les affirmer. Et pour cela, ils ont commencé à avoir recours à ce qu'on appelle à la dialectique, à la rhétorique, à la spéculation concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ils acceptaient d'attribuer des attributs, d'affirmer des attributs, et ils refusaient d'autres attributs, comme bon leur semble, selon leur analyse et leur spéculation à eux. Alors, qalu, inna Allah sami'a, qadir. Ils ont dit, oui, Allah est sami'a, Allah est l'audient, Allah est celui qui est capable de toutes choses, Allah est l'omniscient, c'est bien sûr dans les traductions rapprochées, approximatives et relatives, lakinnahu la yaf'al. Par contre, Allah ne fait pas. Ne fait pas telle ou telle chose. Par exemple, ils ont dit, Allah ne s'est pas établi, ne s'est pas élevé au-dessus de son trône. Ils ont nié, par exemple, sifat al-istiwa, l'attribut de ce qu'on appelle al-istiwa. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ils ont nié cela. Par exemple, ils ont dit Allah la yanzil, Allah ne descend pas au premier ciel. Subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'ti lil fasl bayna al-ibad. Il ne viendra pas pour juger entre les serviteurs. Puisqu'on a l'attribut de la venue. Le fait qu'Allah il ait dit qu'il viendra pour juger entre ses serviteurs. Ils ont dit non. Donc ils ont réfuté et nier ces attributs-là, qui sont confirmés dans des textes authentiques. Alors, lorsqu'est venue cette époque, et lorsque cette doctrine dans le monde musulman a commencé à se propager, à émerger, à connaître le jour et à se propager, alors les grands savants partisans de la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se devait de répondre et de clarifier et d'enseigner ce qui était vrai. Et donc, ils ont eu recours à cette subdivision pour que les gens comprennent les attributs d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, et le domaine. Et donc, ils ont eu recours à ces subdivisions pour vraiment faire comprendre le sujet. وَمَا يَرِدُ فِيهِ الْخِلَافُ وَمَا لَا يَرِدُ وَأَنْ يُبَيِّنُوا أَنَّ كِلَا النَّوْعَيْنِ ثَابِتٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Et il fallait qu'ils enseignent aux gens, justement, qu'il y a des attributs liés à l'entité même du Créateur, propres à l'être du Créateur, et des attributs qui sont des attributs d'action. Il fallait clarifier ces deux genres d'attributs, que ces attributs tous sont confirmés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fala shak anna la aslam an ya'khudh al insanu al kitaba wa sunna ala ma huwa alayhi wa la yatakallamu bi mithli hadha. Mais il dit, bien sûr, naturellement, il est meilleur de se contenter de ce qui est dit dans le noble Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-aslam, pour se mettre à l'abri, ce qui est meilleur, c'est de se contenter de ce qui est mentionné dans le Coran et la tradition du prophète, et d'éviter de spéculer dans ce genre de choses, et de parler dans ce genre de choses. Mais lorsque tu n'as pas eu l'époque où certains théologiens sont tombés justement dans la dialectique et la théologie dialectique, et justement sont tombés dans ces formes de spéculation, alors les savants devaient clarifier. Pour que les gens puissent comprendre le sujet. Comme il est dit dans le vers de poème, « إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا الْأَسِنَّةُ مَرْكَبٌ فَمَا حِيلَةُ الْمُطَّرِّي إِلَّا رُكُوبُهَا قَالَ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُتْرَكَ الْمَجَالُ لِهَؤُلَاءَ الْمُعَطِّلَةَ الْمُحَرِّفَةَ يَلْعَبُونَ كَمَا شَاءُ بَلْ لَبُدَّ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْمَيْدَانِ ونخوض أن ننزل في الميدان ونخوض عمار الدفاع بل ينبغي أن نهاجم لأن الحق معنا. Et dit de ce fait, il ne convenait pas de laisser les partisans de la négation des attributs du Créateur propager leurs ambiguïtés et propager leurs faussetés et propager leurs fausses spéculations. Donc les savants se devaient de répondre d'une manière idéologique, avec savoir, avec science, se devait de répondre et se devait justement de venir sur Al-Maïdan. Al-Maïdan, d'être présent dans le débat et de débattre sur ces questions-là. Vous comprenez? Il dit que les savants, à l'époque, devaient être présents et devaient faire acte de présence dans le débat et en débattre. بل ينبغي أن نهاجم قال لأن الحق معنا. C'est pour ça qu'au départ c'était diffère, c'est une sorte de, il défendait l'opinion, mais ensuite il réfutait, les savants réfutaient et écrivaient. Ensuite écrivaient des livres, des récits, des poèmes pour justement que les enseignements hérités des compagnons, soient toujours compris. C'est pour cela qu'ensuite les savants ont eu recours. C'est pour ça que vous trouvez maintenant dans le livre de croyance, il parle de sifat al-dhatiya, sifat al-fi'liya, les attributs d'action, les attributs d'essence ou liés à l'être du Créateur subhanahu wa ta'ala. Sinon, s'il n'y avait pas l'apparition, Allahu a'lam, sans l'apparition de Ahl al-Kalam, les savants n'avaient pas besoin de rentrer dans ce genre de subdivision. Dans ce genre de subdivision. ثم قال والصفات الذاتية إذا الضابط في الصفات الذاتية أنه سبحانه لم يزل ولا يزل متصفا بها فإذا كانت الصفات لازمة لا تنفك عن الله عز وجل فهي صفة ذاتية. Donc lorsque vous voyez un attribut qui est un attribut toujours lié à Allah, c'est-à-dire Allah a toujours été qualifié par celui-ci et sera toujours qualifié par celui-ci. La yanfakku anhu, subhanahu wa ta'ala. Allah sera toujours qualifié par cet attribut. Et il a toujours été qualifié par cet attribut. Là, les savants disent, c'est un attribut d'entité. C'est ça ce qu'on appelle « dhatiya ». Comme par exemple l'attribut de la vie. Allah Azza wa Jal a la vie parfaite. « Al-Hayat », l'attribut de la vie. Et cet attribut-là de la vie, Allah Azza wa Jal a toujours été qualifié par celui-ci. Et sera toujours qualifié par celui-ci. Comme on l'a dit, il n'a ni début ni fin. Allah est l'éternel. Subhanahu wa ta'ala. Donc il a la vie éternelle, Azza wa Jal. Parfaite. Cet attribut-là, est-ce qu'Allah Azza wa Jal, à un moment donné, il était qualifié par celui-ci, à un moment donné, il n'a pas été qualifié par celui-ci? Non, il a toujours été qualifié par celui-ci. Est-ce qu'il sera toujours qualifié par celui-ci? Non, c'est Fatal Haya, par exemple. Par exemple, comme il dit, Al-Basar, la clairvoyance. Est-ce qu'Allah, à un moment donné, il n'a pas été qualifié par celui-ci? Non, il a toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, eu l'attribut de la clairvoyance, de la science. Pour ça, il est l'omniscient, subhanahu wa ta'ala, de la puissance. Tous ces attributs qu'on a cités à titre d'exemple, de la sagesse, Allah a toujours eu et aura toujours l'attribut sifat al-hikmah, l'attribut de la sagesse. Parce qu'Allah a toujours été le hakim, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, on voit, ça se rapporte à quoi? À l'être, c'est propre à l'être du créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc, les savants, après leur observation du Coran, ils ont déduit donc qu'il y a des attributs qui sont propres à l'être d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tandis qu'ils ont déduit, pourquoi ils ont mis ça en lumière? Parce qu'ils ont déduit qu'il y a d'autres attributs, ils ne sont pas forcément, comme on appelle, azali. Puisque la règle ici dans les attributs liés à l'entité, il faut juste apprendre le fait « lam yazal wa la yazal » muttasifan biha. C'est ça la définition. « La yazal wa lam yazal muttasifan biha. » Allah toujours et sera toujours qualifié par ses attributs. Tandis qu'il y a des attributs qui sont liés à sa volonté. Quand Allah veut, il fait. Quand Allah veut, il fait. Comme par exemple, pour bien comprendre, Al-Kalam. Sifat Al-Kalam. L'attribut de la parole. Allah, quand il veut parler, il parle. Subhanahu wa ta'ala. C'est lié à une certaine considération, à sa volonté. Par contre, on verra plus en détail Sifat Al-Kalam. Pourquoi? Parce que certains savants disent, d'un certain aspect, on peut dire que c'est un sifat dhati. C'est un attribut lié à l'entité. Parce qu'Allah a toujours eu l'attribut de la parole. Lam yazal, wala yazal. Et aura toujours, sera toujours qualifié par celui-ci. Et il a toujours été qualifié par celui d'une certaine considération. Mais aussi, Al-Kalam, c'est lié aussi à la volonté. Pour ça, certains savants, ils ont fait exception. Par exemple, à cet attribut-là, ils ont dit cet attribut, aussi bien il peut être un attribut lié à l'être, propre à l'être d'Allah Azzawajal, mais aussi un attribut de sifat fi'liya, un attribut d'action. Mais je vous ai donné cet exemple, sifat al-kalam, pourquoi? Parce que avec cet exemple-là, on comprend mieux les attributs d'action. On peut comprendre les attributs d'action. Comme par exemple pour le fait de s'élever au-dessus du trône. C'est un attribut d'action. Allah, quand il le veut, il le fait. Subhanahu wa ta'ala. Donc, vous comprenez bien et remarquez bien qu'il y a des attributs qui sont liés à la volonté du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'auteur nous dit, ensuite, il va nous donner des exemples. Wa summiyat bidhalika linuzumiha lidhat thumma qassamuha ila ma'nawiyya wa khabariyya. Ces attributs-là qu'on appelle, qui sont propres à l'entité, à l'être du Créateur, pourquoi ils les ont appelés de cette sorte? C'est comme on l'a expliqué. C'est que ça, c'est propre à l'être du Créateur, à l'être d'Allah Azzawajal, donc ils l'ont appelé Dhati. Dhatiya. C'est ça le terme en arabe. C'est pour ça qu'ils les ont nommés et appelés As-Sifat Dhatiya. Donc, jusqu'ici, vous comprenez, hein? C'est simple. C'est simple. C'est As-Sifat Dhatiya. Par contre, ensuite, certains savants ils disent parmi elles, il y a des sifat qui sont ma'nawiyya et khabariyya, comme on l'avait expliqué dans une leçon précédente, qu'on verra plus en détail cela. Mais là déjà, de bien comprendre sifat dhatiyya ou sifat al-fi'liyya. Ce qu'on a appris précédemment à la base, s'il n'y avait pas eu de débat dans les siècles précédents, s'il n'y avait pas eu l'apparition et l'émergence de doctrine, de mouvements, de tendances, de courants qui sont apparus, qui ont commencé à spéculer sur les attributs, à dire non, Allah n'est pas comme ceci, Allah n'est pas comme cela, Allah ne s'est pas élevé au-dessus de son trône, Allah Azzawajal n'a pas l'attribut, par exemple, parmi les attributs qu'il s'est attribué à lui-même. Et aussi, ceux, par exemple, qui ont nié les noms d'Allah Azzawajal, il n'y aurait pas eu de débat sur ces questions-là. Et donc, il n'y aurait pas eu besoin de ces sortes de subdivisions et de détailler ces questions-là on serait resté comme à l'époque des compagnons. L'époque des compagnons, ils entendaient les textes. Aynallah, Allah fi sama. Tout simplement. Où est Allah? Allah est au-dessus des cieux. Ils entendaient les textes. Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Et les compagnons à l'époque ne spéculaient pas sur cela. Ils n'essayaient pas d'interpréter cela. Ils n'ont pas débattu sur ces questions-là. Elles étaient comprises. Les textes leur venaient. Par exemple, lorsque le prophète Sansam a dit, a exhorté les croyants à se lever au dernier tiers de la nuit. Se lever au dernier tiers de la nuit. D'invoquer Allah, Azzawajal. Le dernier tiers de la nuit est propice pour invoquer le Créateur. Donc ça, c'est clair pour tous les croyants. Donc le prophète nous a exhortés, par exemple, à se lever au dernier tiers de la nuit pour invoquer le Créateur. Et parmi les exhortations du prophète, le prophète nous a dit, puisqu'Allah au dernier tiers de la nuit descend au premier ciel, en disant, où est celui qui me demande que je lui donne, qui me demande le pardon que je lui pardonne, et qui m'invoque, que je l'exauce. Traduction relative. Donc le prophète sallam nous a informé, dans le récit authentique, Allah azawajal descend au premier ciel. Est-ce que vous avez des récits, des rapports remontant jusqu'aux compagnons du prophète sallam qui eux, c'est eux qui nous ont fait parvenir ces récits, qui nous ont enseigné ces récits du prophète sallam? Est-ce qu'on a des récits que les compagnons avaient débattu sur ça, par exemple, le sens de la descente, qu'on ne peut pas attribuer ça à Allah Azza wa Jal, et commencer à spéculer sur ces questions-là et avoir recours à des interprétations? Non. C'est pour ça que un grand savant de la nation, comme d'autres savants, mais surtout un grand savant qui lui fait part de sa recherche, il dit lui qu'il a fait des recherches concernant des rapports, des récits ou des choses qui remonteraient jusqu'aux compagnons concernant les attributs, où il y aurait des interprétations données par des compagnons concernant des attributs. Donc, un grand savant a cherché pour voir si on peut trouver des rapports, des récits, où des compagnons auraient eu recours à l'interprétation de ces attributs. Dire non, par exemple, la descente, c'est pas dans le sens de la descente, faut comprendre, c'est une sorte de métaphore. Et donc la descente viendrait plutôt de tel sens et le fait d'interpréter, c'est ça l'interprétation. Par exemple, l'attribut de la main, c'est un attribut khabari qu'on verra, d'affirmation, c'est dans le sens de sa force, sa puissance. Par exemple, c'est ça qu'il faut comprendre. L'attribut de la descente, c'est interprété, c'est sa miséricorde qui descend, et autre forme d'interprétation. Donc un grand savant et d'autres savants ont cherché. Et un de nos grands savants, un savant du 8e siècle, qui est mort au début du 8e siècle, donc a vécu au 7e siècle de l'Égypte, il dit qu'il a cherché dans plus de 100 tafsirs, une centaine de tafsirs, en cherchant des rapports, des récits de compagnons qui auraient eu recours à l'interprétation. Il dit qu'il a trouvé aucun rapport, aucun récit. Donc on voit bien que les compagnons n'ont pas débattu sur ça. N'ont pas spéculé sur ça. Ils les ont acceptés comme ils sont venus. Donc la meilleure tariqa, la meilleure manière, c'est de les accepter comme ils sont venus. Sauf que c'est après, les années d'après, les siècles, les générations d'après, le débat s'est installé. Dans les siècles ensuite, c'est là que ont émergé, sont apparues certaines doctrines, certains courants qui ont commencé à justement à nier. Et c'est justement cette doctrine-là qui est appelée la doctrine des négateurs. Donc là, les savants se devaient de clarifier. C'est pour cela que si vous lisez certains livres de croyance, vous allez voir que les savants traitent certaines questions au sujet du Créateur. Vous serez surpris de certaines questions qui sont traitées dans les livres de croyance. C'est pour cela qu'on dit que les livres de croyance, il faut le commencer par des petits livres. Il faut commencer à apprendre, à essayer de comprendre ce domaine-là d'une manière progressive. Pourquoi ? Parce que si vous sautez les étapes et vous allez vers l'étude de grands livres où il y a plus de détails et des livres plus complexes, là vous allez prendre connaissance de certaines questions qui peuvent perturber le lecteur. Pourquoi ? Parce que certaines questions dans les siècles précédents, les gens qui ont recours à la spéculation et au débat concernant les attributs, eux, ils ont mis en avant certaines questions et certaines problématiques. Puisque c'était de la spéculation. Vous comprenez, c'était une théologie dialectique. Une certaine philosophie et logique était mise en avant avec la rhétorique. Et donc, c'était de la spéculation. De ce fait, ont commencé à émerger des dogmes et des questions liées au créateur et des débats ensuite ont commencé à prendre jour. Et c'est pour ça que les savants, dans ces siècles-là, étaient obligés de rentrer dans le domaine du débat et de débattre justement avec eux de ces questions-là. Sinon, certaines questions, si elles n'avaient pas été abordées, les savants ne les auraient pas abordées. Jusqu'à ce que certaines questions, je ne peux pas vous donner d'exemple. Certaines tendances hérétiques sont allées tellement loin qu'on ne peut même pas donner, par exemple, certains exemples. Sauf si c'est à titre d'en débattre et à titre d'apprendre que ces croyances-là sont fausses et pour apprendre justement. Mais lorsque la personne n'atteint pas ce degré-là et ce niveau-là, il n'y a pas raison de les évoquer. Sinon, les gens de la théologie dialectique sont allés très loin. Et ce que nous enseigne l'auteur ici, c'est des bases qu'il nous donne pour pouvoir ensuite comprendre. Vous savez là, lorsque la religion, on la comprend en philosophant, on peut aller très loin. C'est pour ça que certains philosophes, qu'ils ont appelés des philosophes musulmans, ils disent, nous avons parcouru des océans. Mais à la fin, ils ont vu que ça les a menés nulle part. Certains même, ensuite plus tard, sont revenus après de nombreuses années qu'ils avaient passées dans cela. Ils ont été éprouvés par cela. Et en fait, cela n'a suscité qu'en nous-mêmes que le doute. À force d'avoir spéculé et philosophé dans le domaine religieux, à la fin, ils ont sombré dans le doute. Et c'est pour cela que, pourquoi je vous dis cette chose, puisque c'est vrai que si ensuite vous évoluez pas progressivement, si on lit pas progressivement, on brûle les étapes, à vouloir lire des livres dont on n'a pas le niveau, on n'a pas les outils. Et c'est comme cela que dans les années précédentes, beaucoup de jeunes, même des non, même des plus âgés, beaucoup se sont égarés. Et dans le domaine religieux, beaucoup de questions religieuses étaient incomprises et mal comprises, et il y a eu des toutes sortes d'interprétations et mauvaises interprétations de la religion. Pourquoi ? Parce que les gens, vous savez, même il y a très longtemps de cela, déjà dans les années 80, hein, il y avait des livres qui étaient traduits, la Hadjib, déjà des livres qui étaient traduits en français, des livres d'un certain niveau qui étaient traduits en français. Le lecteur francophone, lorsqu'il, par exemple, lisait ses livres, en réalité, c'était des livres très complexes. Il fallait au départ traduire des livres plus simples. Aujourd'hui, par exemple, toutes sortes de livres ont été traduits. Il y a une grande amélioration. Donc, toutes sortes de livres ont été traduits. Et aujourd'hui, celui qui veut commencer progressivement, lire des livres simples, il peut, puisque maintenant, il y a des livres simples qui ont été traduits, et on peut évoluer vers des livres un peu plus complexe selon le niveau de compréhension et de connaissance de la personne. Mais avant, il y avait très peu de traductions. Et parmi les premières traductions, vous aviez certains livres, puisque lorsqu'on y pense maintenant, on se dit, subhanallah, à l'époque, ils avaient déjà quand même traduit tel livre. Et par exemple, vous prenez des personnes qui n'ont aucune instruction religieuse. Vous prenez des personnes, par exemple, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas la compréhension. Si ils ouvrent des livres qui sont d'un trop haut niveau pour eux, ils vont avoir des mauvaises compréhensions et ils peuvent faire des mauvaises interprétations. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Et c'est ce qui s'est produit dans les années précédentes. Beaucoup d'incompréhensions et beaucoup de mauvaises interprétations. Sauf que par la grâce du Créateur Subhanahu wa Ta'ala, lorsqu'ensuite beaucoup de francophones, de jeunes par exemple, nous on parle de la France puisqu'on est en France, beaucoup de jeunes de France ensuite sont partis apprendre et suivent un cursus pour comprendre la religion. Et donc ont appris la langue arabe pour avoir avoir une petite maîtrise de la langue arabe. Ont appris des sciences outils, ce qu'on appelle ulum al-ala, des sciences outils pour pouvoir comprendre certains domaines de la religion. Puisque lorsqu'on étudie la religion, il y a différents domaines. Le domaine de la jurisprudence, le domaine de la croyance, le domaine du hadith, le domaine du Coran, le domaine de l'interprétation, le domaine des sciences qui nous inculquent les fondamentaux. Et donc, plus tard ensuite, lorsque beaucoup de jeunes francophones ont eu accès à ce patrimoine et à ce savoir, on voit qu'il y a eu une grande et immense amélioration. Amélioration. En France, par exemple. Et donc, c'est pour cela qu'il faut apprendre progressivement. Et là, ce que nous enseigne l'auteur, c'est vraiment, mashallah, des règles pour qu'ensuite on puisse évoluer vers les lectures d'autres livres et qu'on le fasse de manière progressive. Et plus on évolue ensuite dans les livres, on termine l'étude de ce livre, on va vers un livre ensuite un peu plus détaillé et comme cela on avance comme ça dans l'étude, vous allez voir qu'ensuite le lecteur et l'étudiant, là, il va avoir une compréhension saine, bonne et authentique. Donc ça, c'était juste un rappel. Pourquoi certains savants ont traité certains sujets, on aurait pu se passer de traiter ces sujets-là et de débattre de ces sujets-là, et ça, vous le verrez plus tard dans d'autres livres, parce qu'il faut se préparer, vous le verrez plus tard dans d'autres livres, pourquoi certains savants ont été obligés, parce qu'il y a eu l'émergence, justement, de cette dialectique dans la religion, et donc les savants étaient obligés de rentrer dans le débat et d'en débattre. Et lorsqu'on débat, on est obligé ensuite de certains sujets de subdiviser pour bien que le lecteur ou l'étudiant comprenne. Pour terminer, il dit alors, Taïm, je pense qu'on peut s'arrêter là, Inch'Allah, et demain, on continuera, Inch'Allah, sur l'explication, puisque l'auteur va insister maintenant, on va revenir sur cette étude concernant les attributs liés au sens et les attributs liés à la formation. Ce qu'on appelle As-Sifat al-Ma'nawiyya ou As-Sifat al-Khabariyya. Pourquoi ? Parce que il dit que As-Sifat al-Dhatiyya, justement, les sifat dhatiya, il y a des sifat qui sont ma'nawiyya et qui sont khabariyya. Et ça, on va bien l'expliquer dans la sise de demain, si Allah nous le permet. Subhanahu wa ta'ala. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum. Salam.